Le lendemain, dans la matinée, ce fut Madame Deloye qui entra dans la lingerie. Elle vint droit devant moi avec des mots insultants. Mais M. Alphonse la fit taire d'un geste sec. Puis, s'adressant à moi d'une voix adoucie, il dit « Madame Alphonse m'envoie vous dire qu'elle tient beaucoup à vous garder près d'elle. Elle désire seulement que, dorénavant, vous veniez à la messe avec nous. » Il essaya de sourire en ajoutant « Vous ferez le voyage en voiture. » C'était la première fois qu'il me parlait directement. Sa voix me parut un peu voilée, comme s'il éprouvait une gêne à me dire des choses. Je ne sais pas pourquoi je pensais que Madame Alphonse n'avait rien dit de tout cela et qu'il mentait. Puis, en ce moment, il ressemblait tellement à la supérieure que je ne pus m'empêcher de le braver. Je répondis que je n'aimais pas aller en voiture et que je continuerais d'aller à Sainte-Montagne. Il rentra sa lèvre inférieure et il se mit à la mordiller. Aussitôt, Madame Deloye s'avança, menaçante, en me traitant d'insolente. Elle répétait ce mot comme si elle n'en trouvait pas d'autre. Elle le criait de plus en plus fort, et bientôt elle perdit toute mesure. Le blanc de ses yeux devint tout rouge, et elle leva la main pour me frapper. Je reculai vivement en passant derrière ma chaise. Madame Deloye buta dans la chaise qu'elle renversa, et elle dut se retenir à la table pour ne pas tomber. Ces cris rauques m'épouvantaient. Je voulus sortir de la lingerie. Mais M. Alphonse s'était mis devant la porte comme pour la garder, et je revins en face de Madame Deloye de l'autre côté de la table. Elle parlait maintenant d'une voix étranglée. Elle disait des mots dont le sens m'échappait. Je trouvais seulement que ses paroles avaient une odeur insupportable. Elle cessa après avoir crié de toutes ses forces. « Je suis sa mère, entendez-vous ? » M. Alphonse revint vers moi. Il dit en me prenant le bras. « Voyons, écoutez-moi. » Je me dégageai en le repoussant et je sortis de la maison en courant. Les derniers mots de Madame Deloye entraient dans ma tête comme un marteau pointu. « Je suis sa mère, entendez-vous ? » « Oh, ma mère Marie-Aimée, comme vous étiez belle à côté de cette autre mère, et comme je vous aimais en ce moment, comme vos yeux de plusieurs couleurs rayonnaient et illuminaient votre vêtement noir, et comme votre visage était pur dans votre cornette blanche. Vous étiez aussi visible pour moi que si vous eussiez été réellement devant moi. » Je fus toute surprise de me retrouver devant la maison de la colline. Et en même temps, je m'aperçus que la neige tombait en tourmente. J'entrai dans la maison pour m'abriter et j'allai tout de suite dans la pièce qui donnait sur le jardin. Je cherchais à fixer ma pensée, mais mes idées tournoyaient dans ma tête comme les flocons de neige qui paraissaient monter de la terre et tomber du ciel en même temps. Et chaque fois que je faisais un effort pour penser, ma mémoire ne m'apportait que les bribes d'une chanson que les petites filles chantaient joyeusement dans leur ronde et qui disait « On a tant fait sauter la vieille qu'elle est morte en sautillant. Tire-lui, sautons, sautons la vieille. » Je me trouvais bien dans cette maison silencieuse. La neige s'arrêta de tomber et les arbres me semblèrent aussi beaux que le jour où je les avais vus tout fleuris. Et brusquement, le souvenir de ce qui venait de se passer se précisa dans mon esprit. Je revis la main au doigt carré de Madame Deloye. Un grand frisson me secoua. Quelle vilaine main, et comme elle était grande! Puis l'expression du regard de M. Alphonse quand il me prit le bras. Maintenant que j'y pensais, je me rappelais avoir déjà vu ce regard à une petite fille. C'était un jour que je venais de voler un fruit tombé. Elle s'était précipitée sur moi en disant « Donne-moi la moitié, je ne le dirai pas. » Une grande répugnance m'était venue de partager avec elle, et au risque de me faire voir par sœur aimée, j'étais allé reporter le fruit sous l'arbre. Et voilà qu'à penser à ces choses, un désir violent me venait de voir sœur Marie-Aimée. J'aurais voulu partir tout de suite. Mais en même temps, je pensais qu'Henri Deloye avait dit hier en partant « À demain. » Peut-être était-il déjà à la ferme, m'attendant et s'inquiétant de ce que je pouvais être devenu. Je sortis de la maison pour courir à Villevieille. Je n'avais fait que quelques pas lorsque je le vis venir sur le chemin. La jument blanche gravissait difficilement le sentier plein de neige. Henri Deloye était tenu comme la première fois qu'il était venu ici. Sa blouse se gonflait sous le vent et il se retenait à la crinière de sa bête. la jument s'arrêta devant moi. Son maître se pencha et saisit mes deux mains que je levais vers lui. Il y avait sur son visage quelque chose de tourmenté que je n'y avais jamais vu. Je remarquai aussi que ses sourcils se rejoignaient comme ceux de Madame Deslois. Il dit, un peu essoufflé, « Je savais que je vous retrouverais ici. » Il ouvrit encore la bouche, et je fus tout de suite sûr que ses paroles allaient me donner de la joie. Il serra davantage mes mains et dit de la même voix essoufflée, « N'ayez pas de haine contre moi. » Il détourna les yeux des miens. « Je ne peux plus être votre ami. » Aussitôt, je crus que quelqu'un me donnait un coup violent sur la tête. Il se fit dans mes oreilles un grand bruit de scie. Je vis Henri Deslois frissonner longuement, et j'entendis encore qu'il disait « Oh, comme j'ai froid !» Puis je ne sentis plus sur mes mains la chaleur des siennes. Et quand je compris que je restais seul sur le chemin, je ne vis plus qu'une masse d'un blanc gris qui paraissait glisser sans bruit sur la neige du sentier. Je descendis lentement l'autre versant de la colline. Je marchais longtemps dans la neige qui crissait sous mes pieds. J'avais déjà fait la moitié du chemin lorsqu'un paysan m'offrit de monter dans sa voiture. Il allait aussi à la ville et je me trouvais bientôt devant l'orphelinat. Je sonnai et tout de suite la portière m'examina par le Judas. Je la reconnus, c'était toujours Bel Oeil. Nous l'avions surnommée ainsi parce qu'elle avait un gros œil blanc. Elle ouvrit après m'avoir reconnue aussi. Elle me fit entrer, mais avant de refermer la porte derrière moi, elle me dit « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici. » Je ne répondis pas, alors elle répéta « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici. » J'entendais bien, mais je n'y apportais aucune attention. C'était comme dans les rêves, où les choses les plus extraordinaires vous arrivent, sans que cela ait de l'importance. Je regardais son œil blanc et je dis simplement « Je reviens. » Elle ferma la porte derrière moi et elle me laissa debout sous l'auvent pendant qu'elle allait prévenir la supérieure. Elle revint en disant que la supérieure voulait parler à Sœur Désirée des Anges avant de me recevoir. À un coup de sonnette, Bel Oeil se leva en me faisant signe de la suivre. La neige s'était remise à tomber. L'obscurité était presque complète chez la supérieure. Je ne vis tout d'abord que le feu qui flambait en sifflant. Une voix me fit regarder de plus près. La supérieure disait « Alors, vous revenez ?» J'essayais de fixer mes idées. Je ne savais pas bien si je revenais. Elle reprit « Sœur Marie-Aimée n'est plus ici. » Je crus que c'était le mauvais rêve qui continuait et je toussais pour me réveiller. Puis je regardais le feu et je tâchais de savoir pourquoi il sifflait. La supérieure dit encore « Est-ce que vous êtes malade ?» Je répondis « Non. » La chaleur me ranimait et je me sentais mieux. Je comprenais enfin que j'étais revenu et que je me trouvais chez la supérieure. Je rencontrais ses yeux fixes et me rappelais tout. Elle disait en se moquant « Vous n'avez pas beaucoup changé. Quel âge avez-vous donc ?» Je répondis que j'avais 18 ans. « Eh bien, reprit-elle, cela ne vous a pas beaucoup fait grandir d'aller dans le monde ?» Elle mit un coude sur la table et me demanda pourquoi je revenais. Je voulais répondre que c'était pour voir Sœur Marie-Aimée. Mais j'eus peur de l'entendre encore me dire que Sœur Marie-Aimée n'était plus ici, et je restai silencieuse. Elle tira d'un tiroir une lettre qu'elle glissa sous sa main ouverte, et dit, de l'air ennuyé d'une personne que l'on dérange pour peu de choses. « Cette lettre m'avait déjà appris que vous étiez devenue une fille orgueilleuse et hardie. » Elle repoussa la lettre d'un geste las, et après avoir respiré longuement, elle dit encore « On va vous envoyer aux cuisines en attendant qu'on vous trouve une autre place. » Le feu sifflait sans relâche. Je continuais de le regarder sans parvenir à reconnaître laquelle des trois bûches faisait entendre ce sifflement. La mère supérieure haussa sa voix monotone pour attirer mon attention. Elle me prévenait que Sœur Désirée des Anges me surveillerait étroitement et qu'il ne me serait pas permis de parler à mes anciennes compagnes. Je la fis faire un geste vers la porte et je sortis dans la neige.